Chapitre 25. La société n'est plus complète. Durant, ayant pris froid cette nuit de dimanche, gardait le lit depuis une semaine. On désespérait de la sauver, d'après l'avis du médecin, et certes, dans la rue Saint-Jean, on se préoccupait beaucoup plus de Durant que de Jérôme. Tant de boutiquiers devaient de l'argent à la riche demoiselle, tant d'autres comptaient sur sa bourse généreuse en cas de débâcle dans leur commerce. Les débiteurs redoutaient surtout l'arrivée soudaine d'une cousine de Gabian, un village de la banlieue vers les Cévennes. Cette cousine, une rude montagnarde, pourrait, en qualité d'unique héritière, mettre en ordre et en lieu sûr, même pendant l'agonie, tous les papiers de Durant. C'est pourquoi tous les camarades, grands et petits, tremblaient jusqu'à Guitou le Pacifique, qui s'inquiétait pour le mariage de son fils. D'abord, les misères du moulin aigrissaient ce vieux boutiquier. Il devenait d'une humeur acariâtre, ombrageuse. Il répétait du matin au soir « J'ai peur que Durant ne s'en tire pas. »« Eh bien, qu'importe !» répondait Luc. « Ah, tu es philosophe, toi, et la noce. Tu ne sais donc pas que les Guitou, lorsqu'ils se marient, invitent tout le quartier ? Pourquoi prodiguerions-nous des dépenses ? Agnès n'est pas fière. Perrine et Claude sont plus à plaindre que nous. » « La question des dépenses n'est rien. Il y a la question d'honneur. Que dirait-on de nous dans Pézenas si nous lésinions pour célébrer ton mariage ?» Guitou étendait les bras, pliait les épaules en maugréant de tristesse et poursuivait « Quant à tes cousins, s'ils sont à plaindre, ils le veulent un peu. Pourquoi ne retournent-ils pas dans leur hôtel de Clermont ? Tu me diras que Claude a promis de gagner sa vie à la sueur de son front, mais quand on ne peut pas tenir ses promesses. À présent, il a trouvé du travail à la Grange des Prés pour le temps des vendanges, Perrine également. Seulement, ça ne durera pas. Ils ne sont pas faits, vois-tu, pour travailler chez les autres. Et Jérôme, tu l'oublies ? Non, je ne l'oublie pas. En voilà un qui fait le fort, qui se révolte contre les hommes et contre les choses. Ça ne durera pas non plus. Je suis sûr qu'il reviendra ici, chez nous, me pleurer et se repentir quand la saison du moulin sera passée et qu'il n'aura plus le sou. Alors, nous le conduirons à notre gré. Ses enfants, à Clermont, le conduiraient plus facilement encore. T'es, la preuve qu'on peut lui imposer, c'est qu'il a gardé sans tout, tu vois ? Il le garde parce qu'il le craint, parce qu'il a peur d'aller en prison s'il usait de représailles envers son domestique. Cependant, pourquoi n'irais-tu pas soumettre nos ennuis à un notaire ? Jérôme, déclaré incapable de gérer le domaine, transmettrait Roquemengarde à son gendre. Oui, de nouveaux frais, une procédure qui n'en finirait plus. Non, bornons-nous à souhaiter que Jérôme, poussé malheureusement encore par cet ingrat de Pataloco, ne commette pas de sottises. Ah, vois-tu, je suis fatigué de toutes ces histoires. Guitou grimaçait de colère, se frottait les mains avec énergie, comme lorsque, le dimanche, il se lavait au savon dans l'évier. Et Luc Guitounet, les larmes aux yeux, songeait à son mariage qu'on différait chaque semaine pour un motif d'orgueil. Dans la rue, illuminée par le soleil, les oiseaux chantaient aux fenêtres, les chiens aboyaient ensemble devant les portes où se cherchaient querelles. Ce matin, une grande charrette, stationnant un peu plus haut que la maison de Boispeau, dans la partie la plus étroite de la rue, à l'embouchure de la ruelle de la Poissonnerie, barrait entièrement le passage de sa charge de fagots secs. Le paysan, dans sa terre, avait accumulé bois et ramures, sans prévoir qu'au milieu de la ville, l'espace serait mesuré à son attelage. Aussi, la charge éteignait-elle le premier étage des maisons et s'appuyait si fort contre les murs qu'elle rayait des gratinures les auvents et les glaces des boutiques. Les passants se fâchaient d'être obligés de ramper sous les fagots contre les lourdes roues souillées de crottes. Les femmes, surtout, à la descente du marché, refusaient, avec leurs paniers remplis de vivres, de se traîner sous des ramures qui accrochaient toujours quelques cheveux, quelques rubans, et maudissant les chemins de la campagne et les fours de la ville, elle préférait éviter la rue Saint-Jean par un grand détour sur la place des Trois-Six. D'autres charrettes qui se présentaient en brouhaha, sur la côte de Planol ou sur la place de l'église, s'arrêtaient soudain, bientôt s'encombraient, et le monde confondu se plaignait en même temps. Le paysan, pourtant, ne se pressait guère de vider sa charge. D'une allure indifférente, il énumérait ses fagots, à seule fin de prouver à sa clientèle que s'il en avait vendu un cent, il en offrait au moins deux ou trois fois plus. Aujourd'hui, c'est pour la pâtisserie qu'on déchargeait du bois. Naturellement, Boispeau aidait sous les rôles dans sa besogne, les deux fours se rendant de mutuels services. Mais les deux amis ne plaisantaient pas comme d'habitude pendant qu'ils emportaient par la ruelle les fagots au hangar. Boispeau, encore, le monde comprenait bien la raison de ses chagrins. Son mariage était compromis. Le destin ne voulait pas qu'il fût riche. Dans Pézenas, on croyait, au contraire, sous les rôles florissants et heureux. Sous les rôles. Ah, la maladie de Durande l'alarmait, certes, plus que Boispeau. Celui-ci ne perdait que des espérances. Celui-là, si Durante mourait, perdrait son métier, sa patrie, son honneur, tout. Car si la voisine n'avait pas besoin de l'argent qu'elle prêtait, son héritière, par exemple, réclamerait avidement ses créances à ce pâtissier poète qui avait vu trop grand, qui avait réparé sa maison et son magasin sur le modèle de Paris. Ah, le pauvre sous les rôles! Une fois, le quartier Saint-Jean avait posé sa candidature au tribunal de commerce. Comment donc aurait-on pu deviner qu'aujourd'hui, dans son désespoir, l'idée de la mort le hantait à chaque minute en transportant ses fagots? Néanmoins, il était obligé de rire lorsqu'une femme le plaisantait sur la vigueur de ses bras nus, aussi fluets que les baguettes du tambour de Pantouquet. Il riait, plaisantait même, par habitude. Mais il marchait lentement, plus lentement que Boispeau, de telle sorte que l'ouvrage, au grand dépit des voisins irrités, n'en finissait plus. Ceux-ci s'avançaient au seuil de leur magasin en grommelant des menaces, les poings aux poches. Sans oser protester franchement contre sous les rôles, ils vilipendaient l'un après l'autre le paysan juché sur sa charrette parmi son bois. « Eh bien, quand tu voudras partir, fainéant !»« Oh, monsieur, voilà ! Il faut bien que chacun gagne sa vie !» La rue n'est pas pour toi. Tu bouches le jour de ma maison, tu empêches mes clients d'entrer, tu envoies de la poussière sur mes marchandises. » Le paysan, les mains ensanglantées par les ramures, ôtait sa casquette, s'essuyait le front mouillé d'une sueur terreuse. Puis, paisible, rassurant autour des reins à ceinture écarlate, il répliquait « Hé, vous êtes bien trop partagé par le sort de ne pas bouger de vos magasins. Si vous saviez quel jour terrible et quelle canicule nous subissons dans la campagne, dépêche-toi ou j'appelle un sergent de ville. Voilà, voilà !» Enfin, le paysan descendit, sans se hâter, fouetta ses bêtes, ramena sa charrette sur la place de l'église, tandis que Boispeau et sous les rôles remisaient au hangar les derniers fagots. Tout de même, ce paysan, avec ses chevaux, sa charge énorme, avec ses cris, ses claquements de fouet, apporter de l'animation dans la rue Saint-Jean, un cri joyeux de soleil, de terre et de libre espace. Les oiseaux chantaient de plus belle dans leurs cages, aux fenêtres. Le ciel semblait plus calme et plus resplendissant. L'ouvrage terminé, sous les rôles vint avec son vieux balai nettoyer les pavés, rejeter les feuilles et les brindilles au ruisseau, dont les tourbillons s'en allèrent de proche en proche, souiller le voisinage. Boispeau, Valadier, vinrent nettoyer aussi, et puis, sur la placette, Campal, Fabarotte, Garrigue lui-même. Ils se fâchaient tous contre le paysan, qui fait de l'ordure dans la ville comme sur sa terre, mais il travaillait de bon entrain. Et en avant, les balais, pendant un quart d'heure, se transmirent de vague en vague les tas de branchettes et de feuillages, jusqu'à l'égout qui gronde tout noir là-bas, sous la porte Saint-Jean. Ensuite, chacun secoua son balai et rentra chez soi. La rue se recueillit de nouveau, émue simplement par le soleil qui joue sur les vitrines, par le vol capricieux des hirondelles qui vont dans les champs quérir pâture. L'après-midi, les camarades se retrouvèrent à leur réunion quotidienne dans l'encoignure des deux magasins des Garrigues. Les hommes fumaient en regardant couler le ruisseau. La campa les gariguettes, qui n'avaient pas eu le courage de prendre un bas à tricoter, digéraient les mains sur le ventre. On ne parlait pas, on languissait sous la menace d'une catastrophe. La société n'était plus complète, Pécaïre. Durant, depuis plus de 8 jours, n'avait pas revu le ruisseau. L'odeur de la misère augmentait, en effet, chaque jour. Comment les garrigues auraient-ils pu se prêter à des bavardages pendant qu'ils imaginaient qu'un notaire brutal s'apprêtait à leur réclamer leurs dettes comme à des voleurs? Heureusement, on avait le loisir de songer, d'endormir le cœur dans le doux silence du quartier. C'était l'époque des vendanges. Tout Pézenas, du matin au soir, travaille alors dans les vignes. La ville, partout, offre l'aspect d'une immense grange où circulent les charrettes chargées de comportes de raisins, les noirs pressoirs aux petites roues de fer. La chaleur pesait d'un gros ciel bleu d'orage. Aussi, les volets des boutiques étaient clos à demi, d'énormes rideaux protégeaient les portes. Mais les mouches en nuées bourdonnantes s'insinuaient dans l'ombre fraîche des maisons, tournoyaient sous les tentes de toile qui sont tendues d'une muraille à l'autre sur la placette. La rue sommeillait. Les chiens restaient couchés au bord du ruisseau. Cet après-midi, on ne comptait plus sur Boispeau lorsqu'il se présenta de son pas nonchalant, bien vêtu de la veste et du chapeau des dimanches. « T'es !» demanda Campal. « Qu'est-ce qui t'arrive, Boispeau ?»« Un enterrement, peut-être, » dit Fabarotte. Boispeau, les bras ballants, répondit « Il n'y a pas d'enterrement, Pécaïre. Dites-moi, Durand est toute seule ?»« Oui, que veux-tu? Nous sommes bien obligés de la laisser seule, » expliqua Garrigue. « Si nous montions chez elle, nous autres, on nous accuserait tout de suite de vouloir lui dérober quelque chose. »« Oh, par exemple, c'est trop de scrupules. Tais, je n'y tiens plus, il me faut aller la voir. » « Tout de même, s'alarma Gariguette, toi, un homme, chez une demoiselle, ce n'est pas convenable. »« Tant pis, il me faut faire mes affaires. Je me moque du monde. On ne peut pas laisser Durand périr seul comme un chien. »« Mais Agnès va venir. » « Mais elle ne reste pas assez longtemps là-haut. Non, j'y vais. Oh, je redescendrai bientôt, car je connais les convenances. » Tout rouge d'émotion, Boispeau monta chez son ami. Alors ce fut pour les camarades une distraction d'épier la fenêtre de Durand, de prévoir les paroles qu'échangeaient les vieux pharaons. Boispeau, au bout de quelques minutes, descendit précipitamment. « Ah, mon Dieu !» gémissait-il. « J'ai eu peur !» Durand m'a reconnu, elle ne m'a demandé qu'à boire, à boire, rien qu'à boire. Moi, je ne voulais pas. Puis, ses supplications me crevaient le cœur, je lui ai donné de l'eau. « Monstre, grand bêta !» s'écria Gariguette en furie. « Tu nous l'auras tué !»« Ah, mon Dieu, je suis malheureux !»« Oh, un verre de plus ou de moins ?»« C'est fini, je le comprends bien. Il faut que je me console. » Juste, on vit sortir Agnès de la ruelle de la poissonnerie. Agnès, maintenant, s'habillait en demoiselle, avec un bonnet tuyauté, des rubans au corsage. Elle marchait sans hâte ni lenteur, les mains jointes sur la poitrine. Depuis qu'elle soignait Durand, les garrigues lui montraient beaucoup de considération et d'estime. Tout de suite, ils l'appelèrent d'un ton familier. Hé, viens donc, dépêche-toi! Agnès s'empressa. Les garrigues se levèrent à sa rencontre. « Ma brave amie, dépêche-toi. Va voir si Durand n'a pas besoin d'un médecin. Boispeau descend de chez elle. »« Boispeau, un homme ?»« Bah, personne ne le saura. » Agnès, qui était naïve et qui, dans sa gloriole nouvelle, croyait bon de pérorer à tort et à travers, se mit à geindre. « Pécaïre, quel malheur pour tous vous autres si Durand mourait! Quel malheur pour vous, monsieur Garrigue !» Celui-ci et son épouse, estomaqués soudain, se regardèrent en remuant le front. Rosette, qui souffrit de leur gêne, repoussa cette nigaude de domestique sans cervelle. « Allons, monte! Durand était sans doute une amie, mais c'est elle, va, qui regrettera notre rue Saint-Jean. » Agnès souleva sa jupe et, docile, le cœur tout de même serré d'angoisse, disparut dans le sombre escalier chez Durand. au milieu du silence de la ville, là-haut, sur la place de l'église, deux mendiants chantaient. D'ailleurs, chaque jour, une douzaine de trimardeurs explorent Pézenas en ses divers quartiers. Tous débitent des romances, quelques-uns s'accompagnent d'orgues de barbarie, de clarinettes, d'accordéons. Ils répandent un moment de bruit et de gaieté. Les boutiquiers, pour les entendre, se plantent sur leurs portes, des femmes se penchent aux fenêtres, et les trimardeurs s'en vont satisfaits lorsque, dans une rue, ils ont récolté quelques sous. Seulement, ces deux-ci, à cette heure de canicule, un jour de vendange, passaient à peu près inaperçus partout. « Ils ont une étrange idée de venir chez nous chercher du pain, » ricana Campal. « Chut !» fit Rosette. « Ils ne chantent pas mal. » « C'est leur métier, » conclut mélancoliquement Boispeau. Les deux mendiants, un vieux, usé comme une ornière de grande route et qui fermait ses paupières, un jeune tout barbu, les lèvres sensuelles, les yeux de braise, allaient d'une lente allure, stationnaient avec patience devant chaque maison. Le jeune, portant besace, tirait le vieux par la manche, entr'ouvrait les rideaux opaques, frappait contre les portes du bout de son bâton. Tandis que le vieux chantait les gloires du printemps et de l'amour, le jeune bourdonnait ses prières d'aumône. Depuis un quart d'heure, les boutiquiers, dérangés dans leur sieste, les chassaient à grands cris furibonds, et les deux marcheurs se retiraient en grognant, où leurs voix redevenaient humbles et douces. Sur la placette, ils se postèrent, le chapeau tendu au bord du ruisseau. Pour se faire valoir d'une compagnie si nombreuse, ils entonnèrent un duo. À peine avait-il ouvert la bouche que tous les camarades se levèrent indignés. « Et donc, que vous faites du vacarme ? En courez-vous qu'il y a une demoiselle qui va mourir ?» Les mendiants déconcertés s'interrompirent. Puis, devant ces hommes cossus qui les rebutaient avec rudesse, ils se rebiffèrent. « Ouais, mauvaise population de Pézenas qui n'aime pas les pauvres. Taisez-vous, cette demoiselle là-haut, qu'elle va mourir peut-être. » Pourtant, ils filèrent leur chemin, d'une allure maintenant sournoise, amusés de rencontrer du malheur dans une maison de la ville. Campal les vit, à l'extrémité de la rue, s'appuyer au mur de la porte Saint-Jean, et là, fraternellement, exhiber de la besace un litre de vin et de la viande froide. Aussitôt, Campal reconnut, sous la voûte de la porte, dans un trouble éblouissant d'ombre et de lumière, Pataloque le boiteux, qui s'avançait en rasant les murailles. Pataloque se cachait depuis tant de semaines qu'on eût été bien excusable de l'oublier dans les mille soucis de la rue. Il arriva, la tête basse, les bras lourds. Bien humblement, il salua la société. « Bonjour, bonjour. Eh bé, Pécaïre, j'ai appris la maladie de Durante. » Déguenillés, les espadrilles en lambeaux, les cheveux longs et enchevêtrés comme des joncs dans la rivière, ils regardaient béatement, avec une figure maigre et famélique. « Tu arrives très tard, lui dit Garrigue, pour t'occuper de Durante. »« Ah, quand je peux !» « Et toi, si tu nous racontais un peu tes misères ?»« Moi ? Oui, crois-tu que Roquemangarde soit si éloigné qu'on n'en sache pas des nouvelles ?»« Eh bien, mon Dieu, puisque vous savez des nouvelles, vous savez alors que, malgré ses promesses, Jérôme entrave toujours mes privilèges de pêche ?»« Oui, il sort la nuit à toute heure, il me vole mon barco, tellement que le matin, j'ai toutes sortes de difficultés à le retrouver dans la rivière. » Au moindre conseil que je lui donne, ce brigand s'emporte. S'il osait, il me battrait, ma foi. Oh, je ne tiendrai pas longtemps à cette vie de Roquemangarde. J'allais chez Guitou. Maintenant, lui demanda le malicieux Campal, vous êtes brouillés, Jérôme et toi ? Non, avant de rompre, je veux connaître la pensée de l'aîné. Bah, tu n'as qu'à patienter, Jérôme ne gardera pas longtemps son moulin, Claude lui succédera. Pataloque demeura debout un moment de silence, tel que Jacounel dormant sur ses pattes. On le négligeait déjà lorsque la marchande d'oranges déboucha de la rue des commandeurs. Sa corbeille d'osier sur la tête, elle clamait d'une bouche infatigable « Ah, la belle Majorque ! La belle orange ! Qui veut des oranges de Majorque ? 3 pour 2 sous ! Il nous en reste encore ! « Allons, monsieur Campal, vous en désirez ?» Elle déposa la corbeille profonde sur les pavés. Pendant que les camarades choisissaient les fruits les plus juteux, elle s'accroupit au ruisseau et se rafraîchit les mains. Ensuite, elle repartit en répétant son cri de vente, s'arrêta à chaque porte. On voyait s'avancer, hors des rideaux de chaque maison, des bras nus, des mains lasses qui fouillaient parmi la corbeille. Pataloco avait profité du mouvement de la marchande pour se diriger, rasant toujours les murailles, à la boutique de Guitou. Il n'y était pas parvenu qu'Agnès descendait de chez Durante. « Eh bé, eh bé !» lui demandèrent les camarades. « Comment va-t-elle, notre brave amie ?»« Oh, beaucoup mieux. Boispeau s'alarme trop vite. Maintenant, elle dort. Je reviendrai ce soir. » Leste, elle décampa sur les traces de Pataloco, tandis que ses maîtres et les voisins se regardaient en souriant. Durante était guéri peut-être. Ils se regardaient, étonnés et ravis, comme des enfants.